Droit d'alerte du comité d'entreprise. Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut, dans le cadre de son droit d'alerte, demander à l'employeur de lui fournir des explications. Dans ce contexte, il vient d'être jugé que le comité d'entreprise d'une société filiale en difficulté, usant de ce droit, avait valablement pu demander non seulement des informations sur la situation de la filiale, mais aussi sur celle de la société mère. De fait, la situation financière de la filiale, dont le capital social était détenu intégralement par la société mère, était délicate, dans la mesure où celle-ci avait été contrainte de lui apporter depuis le début de l'année entre 350 et 400 000 euros par mois pour le paiement des salaires et les besoins de trésorerie. Cette situation rendait indispensable l'obtention par le comité d'entreprise d'informations sur la stratégie de la société mère à l'égard de la filiale, compte tenu de la situation de dépendance de celle-ci. Le comité était donc en droit de poursuivre la procédure d'alerte et de se faire assister à cette occasion d'un expert comptable de son choix rémunéré par la filiale. À noter que cet expert comptable du comité d'entreprise doit alors avoir accès aux informations sur la stratégie du groupe. Au terme de ce magazine, merci pour votre confiance et votre attention tout au long de cette année. Nous vous donnons rendez-vous en tout début janvier pour les lois de finances et puis pour les grandes modifications attendues après l'élection présidentielle. Bonne fête de fin d'année !